crois bien. Je suis perdu dans la jungle. Les moustiques, ils tapinent dans mon slip. Ma biquette et mon bataillon ont disparu. J'ai dû boire trop de mercure, j'vois un missile. Croisé. C'était Jésus! Donc...